pêcheur. Sous votre manteau gris, j'ai caché une fleur. Ciel, je peins mes rêves en bleu. Dès que tombe la nuit, son étoile brille dans les cieux. Grâce à elle, grâce à Dieu, le monde change de couleur. Le vent tourne souvent pour celui qui se bat. La voix, tout habillé de noir, dans l'angoisse et le désespoir. Ciel, je peins mon âme en blanc, je brûle de l'encens pour la protéger des démons. Grâce à Dieu, le monde change de couleur. Le vent tourne souvent pour celui qui se bat. Pour